Jéhovah, la parole révélée, un nouveau monde m'attend là-haut. La parole incarnée, sa vision, sa venue, un nouveau monde m'attend là-haut. Alléluia, un nouveau monde m'attend là-haut, là-haut. Un nouveau monde m'attend là-haut. Un nouveau monde m'attend là-haut. L'accord de l'esprit révélant sa parole, un nouveau monde m'attend là-haut. L'accord de l'esprit révélant sa parole, un nouveau monde m'attend là-haut. Alléluia. Un nouveau monde m'attend là-haut, là-haut. Un nouveau monde m'attend là-haut. Un nouveau monde m'attend là-haut. La parole et l'esprit, l'élection du calvaire. Un nouveau monde m'attend là-haut. La parole et l'esprit, l'élection du calvaire. Un nouveau monde m'attend là-haut. Alléluia. Un nouveau monde m'attend là-haut, là-haut. Un nouveau monde m'attend là-haut.